Un homme riche avait tant de volailles qu'il ne s'apercevait pas si les fouines, les rats, les corbeaux ou les aigles lui en enlevaient quelques-unes. Il avait un jardin très large, fermé par une trentaine de rangs de bambous. Et cette clôture avait plus de 2 mètres de large. Un coq s'engagea dans la haie en quête de pâture, et une fois encerclé de toutes parts, de bambous, il ne put en sortir, et resta là plus de 20 ans, exposé à toutes les intempéries, et voyant le cours du soleil et de la lune se succéder sans fin. Le pouvoir s'en acquit, et empruntant tantôt l'aspect d'un garçon, tantôt d'une fille, entrait tous les jours dans la maison pour y causer des désordres. Le maître de la maison vit sa fortune se dissiper dans ses mains, les jeunes gens se mirent à maigrir, les filles à devenir folles. Rien ne pouvait remédier à cette situation, et il fallut abandonner la maison. On alla chercher le moine pour exorciser la maison, mais l'esprit tomba sur lui au point qu'il dut s'enfuir, laissant sa cloche et son bois. Un bonze vint chanter le sutra bouddhique pour chasser les mauvais esprits, mais l'esprit lui fit une bosse à sa tête rase. Plusieurs autres tentatives échouèrent également. Le maître de la maison continuait de s'appauvrir et ne savait vers qui se tourner. Heureusement, il vint passer un étudiant de Confucius qui cherchait des ressources pour être capable de faire ses études. Il entra dans la maison pour y demander à manger, et fut grandement surpris de l'avoir ainsi abandonné, et le maître assis, les genoux entre les mains. L'étudiant demanda comment il se faisait qu'il était seul dans cette maison, qui semblait être à l'aise. Le maître répondit en gémissant. « Hélas! Toutes mes affaires sont à Valot. Je n'en finirai pas si je vous les comptais. Racontez-moi ce qui vous tourmente. Si je peux vous aider, je le ferai par toutes mes forces, dit l'étudiant. Alors le maître de la maison lui raconta combien de moines habiles et des bons savants il avait appelés, et que tous avaient été pourchassés par le mauvais esprit. À quoi bon encore le risquer lui, un si maigre étudiant? Il craignait que l'esprit n'ajoute à ses déboires en faisant du mal à ce nouvel opposant. L'étudiant répondit. Laissez-moi le soumettre à ma guise. Emportez tout ce qu'il y a d'argent et de meubles dans la maison, et partez. Seulement, faites-moi apporter chaque jour quelques bouchées, à peine une pleine soucoupe de riz. Dans 5 jours, je saurai ce que c'est que ce revenant. Alors nous pourrons prendre les mesures nécessaires pour se débarrasser de lui. À partir de ce moment, l'étudiant s'assit au plein centre de la maison, et s'occupa, nuit et jour, à la lecture du livre des transformations. Il en récita les 64 qui, durant les 5 veilles de la nuit, toutes les 6 heures. Il n'arrêta pas un instant. Dans la 3e nuit, le revenant apparut et il éteignit la lampe. Sans rien dire, l'étudiant la ralluma et continua à travailler. Le revenant fit apparaître une main qui descendait du toit jusqu'à la lampe, mais l'étudiant ne s'épouvanta pas. Le revenant se transforma en un serpent et vint ramper devant son lit de camp. L'étudiant sembla ne pas l'apercevoir. La nuit suivante, le mauvais esprit apparut sous la forme d'une jeune fille et vint agacer l'étudiant, mais celui-ci ne lui adressa pas la parole. Le revenant porta alors la main sur le livre que l'étudiant lisait, mais sans oser lui prendre. C'est alors que l'étudiant saisit cette main et demanda au revenant : « Quelle espèce de mauvais esprit es-tu pour oser profaner le livre du saint ? Si l'on t'a fait quelque tort, si tu as quelque chose à réclamer, dis ce que tu veux, je le ferai connaître au maître de la maison afin qu'il s'occupe de te soulager. » Mais il n'est pas permis de venir tourmenter les hommes et détruire leurs biens. Celui qui le fait commet contre le ciel et la terre un péché irrémissible. Le revenant se mit à gémir et dit : J'étais un coq, lorsque je suis entré dans un massif de bambou pour chercher de la pâture. Je suis pris depuis plus de 20 ans, subissant tantôt la chaleur et la pluie, la neige et la rosée, en voyant se succéder les révolutions du soleil et de la lune. Après un long espace de temps, je fus transformé, pour venir ici demander à mon maître de me délivrer. Mais voyant qu'il n'avait pas pitié de son serviteur, je fus irrité, et je fis tous ces dommages pour l'émouvoir, et non pour autre chose. Maintenant je vous prie, délivrez-moi. Je vous serai reconnaissant et je ne ferai plus aucun mal. Si tu dis la vérité, lui dit l'étudiant, montre-moi le bambou où tu es pris. Demain je le ferai détruire et tu pourras sortir. C'est à gauche en sortant d'ici. Au bout de 6 ou 7 rangées, vous arriverez au point où je suis couché, répondit le revenant. Pendant ce discours, le revenant l'avait mené jusqu'à la grande porte, puis lui demanda de lâcher la main pour qu'il montre l'endroit. Mais à peine eut-il desserré les doigts que le fantôme disparut, et un froissement dans les bambous se fit entendre, comme lorsque l'on traîne des épines. L'étudiant de Confucius alla raconter point pour point ce qu'il avait vu au maître de la maison. On envoya couper ses bambous, et lorsqu'une brèche eut été pratiquée, on vit un coq d'étrange apparence, le milieu du corps effilé, et les deux extrémités enflées. L'étudiant recommanda de faire un feu, et de brûler ses ossements, afin qu'il puisse se libérer et se montrer reconnaissant du bienfait reçu. À partir de ce moment, la maison redevint calme, et prospéra comme par le passé. C'est ainsi que la doctrine du saint homme réprima le mauvais démon, qui n'osa plus exercer sa malice. Quand le maître de la maison alla rendre grâce à l'étudiant, celui-ci répondit : « C'est à la sainte doctrine à qui vous devez d'avoir recouvré la paix.